Mesdames et messieurs, et vous les enfants, bonjour et bienvenue dans votre podcast mensuel sur Disneyland Paris, qui vous est proposé par Daily Disneyland. Nous sommes le 4 août 2018 et vous écoutez le 4e épisode de DLP Podcast. Et c'est donc après une longue période d'absence tout de même que je vous retrouve pour ce 4e épisode de DLP Podcast qui sera placé sous le signe de Marvel. Puisque notre dossier du jour portera sur l'arrivée de Marvel à Disneyland Paris, tout simplement. En effet, comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, hein, DLP Podcast. Si c'est pas fait, vous pourrez tout simplement venir débattre avec moi. Vous allez voir, il y a une bonne ambiance, c'est plutôt sympa. Et donc j'ai pu effectuer un séjour sur les parcs début juillet dernier pour expérimenter la tant attendue saison des super-héros Marvel, ainsi que pour assister à la fameuse soirée réservée au pass annuel Infinity et Magic Plus du 7 juillet. Qui devait donc être en quelque sorte, selon moi, le point d'orgue de cette saison, même s'il s'agit seulement d'une soirée réservée au pass annuel. C'est un sujet qui a déjà été abordé un peu de partout, j'en suis conscient, mais nous allons en parler en détail, car il s'agit tout de même d'un événement très important pour notre resort, qui nous donne un avant-goût de comment va pouvoir se développer l'utilisation de cette franchise dans nos parcs. Mais avant cela, comme vous en avez l'habitude, il est temps de faire place aux news en vrac. C'est l'été, il fait chaud et il est donc important de s'hydrater pendant une bonne journée sur les parcs. Et pour ça, il vaut mieux se poser dans un endroit calme, un endroit reposant. Et figurez-vous que Disneyland Paris a pensé à vous, puisque le 11 juin dernier, le Victoria's Home Style Cooking sur Main Street est passé d'un fast-food à un bar, donc service à table, un peu à la manière des bars des hôtels comme le Café Fantasia, dans lequel vous pourrez cette fois-ci retrouver des milkshakes de différentes saveurs à 10€, ainsi que des thés glacés faits maison à 5€. Vous pourrez bien évidemment aussi retrouver des bières fraîches, des boissons chaudes, des sodas, et tous les autres produits que vous pouvez trouver habituellement dans un bar. Et donc, s'agissant d'un bar, figurez-vous que la réduction passe annuelle n'est plus disponible dans ce lieu-là, donc c'est quand même un peu décevant qu'on n'ait toujours pas de réduction passe annuelle sur les bars, donc les bars des hôtels et tous les bars du resort comme celui-ci. Mais bon, on va passer là-dessus. Si vous voulez mon avis, je pense que c'est vraiment une bonne chose puisque c'était un endroit qui était déjà de base très reposant et qui était un peu abandonné. Il n'y avait pas beaucoup de monde à chaque fois que j'y allais et pourtant, pour moi, c'est vraiment un espèce de repère. Dans tous mes autres séjours, j'allais toujours me poser là-bas pour prendre un café ou pour me reposer en plein milieu d'une journée chaude. Et donc là, c'est encore mieux du coup, puisqu'on est vraiment sur un service de bar, donc service à table, où on va pouvoir prendre un milkshake ou un thé glacé tranquillement. Le problème, c'est le prix. 10€ pour un milkshake, c'est quand même assez élevé selon moi, même s'ils sont très bons. Voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez élevé, mais faut pas oublier qu'on est à Disneyland Paris, donc tout est cher. Donc c'est compréhensible et à la fois un peu quand même abusé au niveau du prix. Et pour ce qui est de la localisation de ce bar, si vous ne voyez pas où il se situe, et bien c'est très simple. Il est juste au bout de la Discovery Arcade, côté Central Plaza, donc vraiment à côté du Plaza Garden. Donc il est vraiment au bout de Main Street et c'est un endroit très calme, très relaxant. Donc je vous conseille de tester si vous en avez envie. Ça fait toujours du bien quand on est dans des journées de forte canicule comme celle qu'on vit en ce moment. On va rester dans le thème et rapidement parler des fast-food du parc qui commencent à voir leur offre changer, puisque début juillet, de nouveaux menus sont apparus dans la plupart des fast-foods, en ajout des 3 menus déjà proposés habituellement. Et comme promis, même si c'était selon moi déjà le cas, on retrouve des menus qui restent dans le thème des lieux dans lesquels ils sont servis. On retrouve par exemple au Bellanoté, un menu 4 qui arrive avec les spaghettis, de la belle et le clochard qui sont servis avec des boulettes de viande. Ça, je trouve ça vraiment génial. Ça, c'est le plat parfait qui colle parfaitement au fast-food. Donc voilà, c'est des menus qui sont arrivés dans pas mal de restaurants. Par exemple, on retrouve au Cowboy Cookout le barbecue du shérif, avec voilà une cuisse de poulet, une saucisse, des travers de porc. Donc on a vraiment une offre assez conséquente. Vous avez aussi par exemple le festin du lion qui arrive au Hakuna Matata. Donc voilà, on a pas mal de choses, de nouveaux menus thématisés qui sont apparus, même si pour moi la thématisation des menus était déjà assez présente dans les fast-foods, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais ça augmente l'offre, ce qui est plutôt pas mal. Mais si les fast-foods ne vous conviennent pas et que vous aimez la bonne nourriture, sachez que le rendez-vous gourmand est de retour cette année et a déjà commencé alors que vous écoutez ce podcast. Souvenez-vous, il s'agit de cet événement inspiré du Epcot International Food and Wine Festival présent à Walt Disney World et vous pourrez donc, durant ce rendez-vous gourmand, découvrir différents chalets disposés un peu partout dans les Walt Disney Studios, contrairement à l'année précédente où ils n'étaient que sur la place de Rémy. Et ça s'explique par le fait qu'il y en a un peu plus, vous allez le voir, donc désormais il y en a à la place de Rémy et Hollywood Boulevard. Et donc ces chalets vous permettront de déguster des plats de chaque région de France et même d'au-delà, puisque la Belgique et l'Espagne font notamment leur arrivée cette année. Il y a même désormais un chalet vegan et un chalet dédié à la boisson, donc qu'elle soit alcoolisée ou non. On en aurait d'ailleurs bien eu besoin durant la soirée Marvel, je peux vous le dire, croyez-moi. On en reparlera plus tard. Et donc si vous voulez mon avis, c'est vraiment une saison que j'aurais bien aimé tester. Je regrette d'ailleurs d'avoir fait mon séjour début juillet et pas fin juillet pour tester cette saison, puisqu'au final la soirée Marvel m'a quand même bien déçu, mais comme je vous l'ai dit, on en reparlera plus tard, je vais vous la faire revivre en quelque sorte. Et donc c'est vraiment une saison, enfin un festival en plus qu'une saison, qui m'attire vraiment pouvoir tester tous les produits de chaque région. À travers ces petits chalets comme ça, et eh bien c'est quelque chose qui m'attire particulièrement. Et ce qui est vraiment sympa, un ajout vraiment super cette année je trouve, c'est l'arrivée des concerts de rue, donc pas mal de concerts de rue qui vont être un peu dispatchés tout au long de la journée relativement proche des chalets. Donc, et ça va vraiment créer cette atmosphère de festival, vraiment quelque chose de très agréable au final, surtout en été comme ça, de pouvoir se poser avec un petit verre et de déguster tout simplement les différentes spécialités de chaque région. Donc voilà, c'est vraiment un événement que je trouve super, et c'est bien qu'il renouvelle d'ailleurs en l'améliorant, en rajoutant des chalets à chaque fois. Ça c'est vraiment top, peut-être qu'on va s'élargir vers quelque chose de plus, encore plus mondial sur le futur au niveau des produits. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour le rendez-vous gourmand. Sachez aussi qu'il y a un chalet qui s'appelle la petite boutique où vous pourrez acheter pas mal de produits dérivés dans le thème tout simplement de ce rendez-vous gourmand, donc des verres, de la vaisselle, des tabliers, tout ce genre de choses là. Et c'est jusqu'au 30 septembre prochain, donc un mois de plus que l'année dernière, et je vous invite d'aller tester ça si vous le pouvez. On en a fini avec la nourriture, je pense que vous en avez eu votre dose, et nous allons maintenant parler d'un nouveau système de Fastpass qui est actuellement en test à Disneyland Paris jusqu'au 30 septembre, et il s'agit du Access One. Mais avant de vous en parler et de vous donner mon avis, il est important de rappeler quels sont les différents types de Fastpass, donc de coupe-fil existants, et croyez-moi qu'il y a pas mal de guests qui ne connaissent pas l'existence des Fastpass et qui pensent même qu'ils sont payants. Je ne saurais même pas vous dire combien de fois j'ai entendu ce genre de choses dans les files d'attente. Et donc il est, je pense, important de faire un point, je vais essayer de faire court pour rappeler un peu toutes les offres existantes en termes de Fastpass. Donc vous avez tout d'abord les Fastpass classiques, bien évidemment, récupérables gratuitement aux bornes de chaque attraction Fastpass grâce à votre billet d'entrée ou votre pass annuel. Ces bornes vont vous donner un coupon qui vous dira de revenir à une certaine heure pour faire l'attraction par la file Fastpass. Et vous devrez attendre l'horaire indiqué sur votre coupon pour en récupérer un autre. Ça, c'est le système classique et gratuit qu'on connaît tous. Ensuite, si vous séjournez au Golden Forest Club, donc le club privé du Sequoia Lodge, au Compass Club, le club privé du Newport Bay Club, ou à l'Empire State Club, le club privé de l'Hôtel New York, ou dans une chambre classique du Disneyland Hotel, vous allez avoir un Fastpass Hotel. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai déjà pu le tester, donc je peux vous en parler. Donc vous avez tout simplement un Fastpass hôtel qui vous est donné par jour et par personne et qui va vous permettre de faire une attraction une fois quand vous voulez, sauf entre 13h et 16h. Donc c'est un fast-pass en gros unique, mais que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle attraction quand vous voulez, sauf entre 13h et 16h. Voilà, donc ça c'est le fast-pass hôtel. Ensuite, il y a le fast-pass ultime. Il existe donc le VIP fast-pass que vous bénéficierez si vous logez dans une suite d'un hôtel ou si vous logez au Castle Club, le club privé du Disneyland Hotel. Et qui lui vous permettra de faire toutes les attractions fast-pass que vous voulez, quand vous voulez et en illimité. Donc c'est vraiment le fast-pass ultime, sans aucune limite. A savoir que jusqu'en 2014, on pouvait acheter pour 60€ par personne un fast-pass premium, que j'avais pu tester à l'époque d'ailleurs, j'avais fait une petite folie ce jour-là. Et qui est le même que le VIP Fastpass, sauf que vous pouviez l'acheter sans forcément loger dans une suite hors de prix. Donc voilà, on a fait un petit recap de toutes les offres Fastpass disponibles, et donc de tous les coupe-fils disponibles, et on va maintenant pouvoir parler du Access One. Donc qu'est-ce que c'est que le Access One qui est actuellement en test ? C'est un coupe-fil valable pour une attraction et une seule fois, mais sans contrainte d'horaire. Et achetable dans la boutique reliée à l'attraction pour laquelle vous voulez utiliser ce fast-pass. Donc ça, les informations, vous les aurez sur place. Il y a des panneaux d'information disposés devant les bandes fast-pass qui vous disent à quelle boutique est relié tel Access One pour telle attraction. Donc ce fast-pass est disponible au prix de 15€ sans réduction, environ 13€ pour les passes Magic Flex et Magic Plus, et 12€ pour les passes Infinity. Sachant que on vous offre un bracelet en plastique avec. Alors, c'est pas un cadeau hyper top, mais bon. Alors, pour ce qui est de mon avis là-dessus, je pense que ne pas être aussi radical que tout ce qu'on peut voir actuellement sur les réseaux sociaux, dans le sens où le produit n'est pas destiné à tout le monde, et encore moins à nous les fans qui savons organiser notre journée, qui savons comment récupérer pas mal de fast-pass assez simplement, quelles sont les attractions les plus sollicitées, quelles sont les attractions les moins sollicitées, où les fast-pass partent le plus vite, quand les prendre. Donc nous on est vraiment calé là-dessus, et on n'a pas forcément ce besoin d'avoir absolument un fast-pass qu'on doit acheter en fait, à part dans certaines situations, mais je vais vous en parler juste un peu après. Beaucoup de personnes pensent que 15€ pour un fast-pass utilisable qu'une fois, c'est trop cher. Je pense aussi que c'est cher, mais je pense que Disneyland Paris ne peut pas se permettre de baisser le prix, de baisser en dessous de 15€. Parce qu'en dessous de 15€, on admettrait vraiment que ce n'est pas si cher que ça, ce qui fait que beaucoup de personnes voudront l'acheter, et même si on a un stock limité, et bien simplement ça enlèverait toute la fluidité qu'on peut retrouver dans les files fast-pass actuellement, et ça serait vraiment un problème que beaucoup trop de personnes achètent ce fast-pass. Donc ils ne peuvent pas se permettre de descendre la barre des 15€, je pense. Alors oui, ça reste cher. Mais prenons un cas d'exemple. Comme vous le savez peut-être, j'habite très loin du parc, à plusieurs centaines de kilomètres, donc quand je viens, c'est en séjour. Si j'arrive le dernier jour de mon séjour sur le parc et que les bornes fast-pass à Big Thunder Mountain ne marchent plus, étant donné que j'ai un pass annuel, je serai prêt à payer à la limite 12€ pour faire vraiment Big Thunder Mountain, qui est mon attraction préférée, une dernière fois. Enfin, je dis ça, mais bon... oui et non au final, hein, puisqu'il y a toujours moyen à la limite de faire la file d'attente si vous choisissez bien votre période de séjour. Mais voilà, c'est quelque chose qui s'adresse vraiment aux gens qui viennent en séjour et qui vraiment n'en peuvent plus. Imaginons, c'est la canicule, vos enfants sont fatigués, vous ne pouvez pas faire l'attente au soleil dans une certaine attraction, et bien vous prenez ce fast-pass là unique. Alors oui, c'est cher, mais en même temps c'est pas destiné à tout le monde, c'est pas un produit qui est censé se vendre à des centaines d'exemplaires, c'est vraiment un produit d'urgence selon moi. Donc voilà pourquoi c'est aussi cher pour moi, c'est vraiment un produit de secours. Et c'est pas adressé à tout le monde, donc ça va rien changer. C'est là, c'est en période de test, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Et donc voilà, c'est un service en plus qui existe de secours. Alors j'ai envie de dire, pourquoi pas après tout. Et une fois n'est pas coutume, on va faire le point soirée. Donc comme ça devient le cas à chaque podcast, nous allons maintenant faire le point sur les différentes soirées à venir sur les parcs. Et croyez-moi, il y en a, Disneyland Paris met à fond l'accent sur les soirées en ce moment. Donc on va commencer ce recap des soirées à venir. Et pour commencer, le 7 septembre aura lieu au Walt Disney Studios, comme la plupart des soirées, la soirée de clôture du 25e anniversaire réservé au pass annuel Infinity. Et comme pour chaque soirée passe annuelle, le programme reste encore très flou et inconnu, ce qui est selon moi vraiment une mauvaise chose, c'est un gros point noir. Par exemple pour la soirée Marvel, on n'en savait quasiment rien avant que la soirée commence, quoi. On a eu le programme vraiment à la dernière minute, c'était quand même assez abusif, et pour pouvoir organiser son séjour c'est pas forcément hyper pratique, on s'attend forcément à quelque chose, même si ce n'est qu'une soirée passe annuelle de limité mais de quand même qualitatif, donc on aimerait bien voir le programme à l'avance. Donc voilà, ça c'est vraiment un point noir de toutes ces soirées selon moi. Et donc cette soirée des 25 ans, cette soirée plutôt de clôture du 25e anniversaire réservé au pass annuel Infinity a très vite affiché complet en quasiment un peu plus de 24 heures à peu près, et j'espère donc qu'elle sera réussie contrairement à la soirée Marvel dont nous parlerons dans le dossier du jour. Alors mon avis là-dessus encore une fois, c'est que une soirée de clôture du 25e anniversaire, je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire. J'espère qu'ils vont pas encore nous rabâcher la sempiternelle DJ party à laquelle on assiste pour toutes les soirées passes annuelles. C'est un peu dommage que ce soit pas au Disneyland Park, mais c'est compréhensible. Imaginez une soirée passe annuelle au nombre de personnes limitées dans un grand parc comme le Disneyland Park, non? Le Walt Disney Studios, c'est à la limite compréhensible. Donc voilà, je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire, quelle animation ils vont proposer, quelle décoration ils vont apporter. Vraiment, c'est un grand mystère. En tout cas, j'espère qu'elle sera réussie pour les gens qui y seront. Ça aura lieu, je le rappelle, le 7 septembre au soir. Et j'en profite pour vous dire que la Disney Stars on Parade et Disney Illumination seront prolongées jusqu'à minimum septembre 2019, ce qui n'est pas une surprise. On ne supprime pas une parade ou un show nocturne comme ça au bout d'un an ou deux. C'est minimum 4 à 5 ans selon moi. Donc voilà, c'est pas une surprise. Et peu après la soirée de clôture de la saison des 25 ans du parc, c'est la Disney Loves Jazz qui aura lieu au Walt Disney Studios le 29 septembre de 20h à 1h du matin. Donc pour savoir que contiendra cette soirée, je vous invite à écouter mon podcast précédent où on en parlait déjà, mais depuis on en sait un peu plus sur le programme de la soirée, et il y aura notamment différents concerts. Donc quand j'en dis concert, je parle bien de concerts de rue et non pas du grand concert qui aura lieu durant la soirée. Et comme cela devient une habitude pour chaque soirée, vous pourrez rencontrer de nombreux personnages jazzy, comme Mickey et Minnie, sans doute habillés pour l'événement, j'imagine, les Aristochats, Tiana, Roger Rabbit et Eddie Vaillant. Et ce que je vais vous dire ravira les aficionados de personnages, car Edgar, le majordome du film d'animation Les Aristochats, sera présent pour la première fois dans tout parc Disney confondu pour cette soirée, comme ça avait été le cas avec Cortensia pour la Fan Days ou pour certains personnages par Marvel dans l'alliance des super-héros comme par exemple Scarlet Witch ou Nebula. Donc la soirée sera également l'occasion de profiter une dernière fois du rendez-vous gourmand avant sa disparition, et les attractions seront bien évidemment ouvertes. C'est globalement ce qui vous attendra si vous prenez un billet classique à 49€. Il faudra en revanche payer, comme je vous l'avais déjà dit, 69€ si vous souhaitez accéder au concert présent ce soir-là avec de nombreux artistes qui rendront hommage au thème emblématique de Disney en mode jazz. Mais ça, on en a déjà parlé la dernière fois. Et c'est vraiment une soirée à laquelle j'aurais bien aimé assister, encore plus que la soirée Marvel dont on va parler plus tard. Je fais que vous teaser depuis tout à l'heure, donc je vais arrêter de vous teaser à un moment donné, ça va arriver tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et c'est vraiment une soirée qui s'annonce super selon moi, j'aime beaucoup tout ce qui est ambiance jazz et jazzy, donc je regrette un peu de pas pouvoir y être. Mais en tout cas, je suivrai ça à travers les écrans et je serai à la limite plus près de dépenser 69€ pour ce genre de soirée avec un concert plutôt qu'à la Fan Days où là les prix étaient vraiment élevés malgré la qualité de la soirée. Donc, on continue avec les soirées. Comme nous le savons déjà, Mickey va cette année fêter ses 90 ans. Ce qui sera marqué à Disneyland Paris par une saison qui aura lieu du 1er octobre 2018 au 6 janvier 2019. Donc, une longue saison. Et c'est donc également en octobre qu'aura lieu une soirée réservée au Pass Infinity et Magic Plus sur les 90 ans de notre souris préférée. Donc on n'a pas eu plus d'infos que ça pour le moment, mais vous allez le voir plus tard, on n'a pas fini de parler des 90 ans de Mickey. Et qui dit octobre dit forcément soirée Halloween du 31 octobre. Et les retours des années précédentes sur ces soirées-là étaient plutôt mitigés et en demi-teinte. Mais tout nous porte à croire que les choses vont changer, en tout cas je l'espère, car les prix ont considérablement augmenté cette année. On se retrouve avec une soirée à 69 € plein tarif, 58 € pour les passes Magic Flex, 55 € pour les passes Magic Plus et 48 € pour les passes Infinity. Donc je pense que ça vaut quand même le coup pour un pass Infinity. Le prix est simplement 10 € plus cher, si je dis pas de bêtises, qu'une soirée passe annuelle, donc c'est vraiment rentable, je trouve. À noter que si vous réservez un séjour dans un hôtel Disney, vous bénéficierez de 15 € de réduction sur la soirée. Donc cette année, la soirée aura lieu de 20h30 à 2h du matin au parc Disneyland, donc on est quand même dans une longueur de la Fan Days au parc Disneyland. Ce qui est tout de même pas mal pour le prix de la soirée, qui est certes élevé mais moins cher que la Fan Days. Et pour ce qui est du programme, eh bien c'est encore très très flou comme d'habitude, et c'est ce que je reproche à chaque fois à DLP pour les soirées. On nous promet des surprises dans chaque land en tout cas, on nous invite à nous déguiser, et j'imagine qu'il y aura des rencontres perso. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une parade inédite pour cette année, se nommant la célébration Halloween des méchants Disney durant cette soirée. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sait sur la soirée. Et on va maintenant passer à la dernière soirée, celle du Nouvel An. Et on reparlera d'Halloween juste après, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, j'y serai peut-être à cette soirée, parce qu'avec la réduc Pass Infinity, ça fait vraiment une bonne réduction, je trouve. Et ça fait des années que je ne suis pas allé à Halloween sur le parc. Mais ça, je vais vous en reparler. Et donc voilà, c'est vraiment une soirée qui m'attire et que j'aimerais bien tester l'ambiance d'Halloween, le fait que ça se passe au Disneyland Park et que ce soit jusqu'à 2h du matin, ça m'intrigue quand même pas mal. Donc, la dernière soirée, qui est celle du Nouvel An, elle aura lieu, comme l'année dernière au Disneyland Park et bien évidemment le 31 décembre au soir, pour un tarif unique de 99 € et de 84 € si vous séjournez dans un hôtel Disney. C'est donc très très très très cher, 100 € pour une soirée. On se rapproche là des prix de la Fan Day, ça y est, ça commence à monter. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura durant cette soirée? Ben, on n'en sait encore une fois rien. Donc, imaginons que quelqu'un paye 100 € et qu'il soit déçu parce qu'il n'a pas eu le programme, c'est quand même assez aberrant selon moi. On sait juste que normalement, il devrait y avoir le retour de la parade géante, l'espèce de mix de parade qu'il y avait eu l'année dernière pour cette même soirée. On avait eu tout simplement une immense parade avec toutes les chars des anciennes parades encore présentes sur le parc. Donc voilà, c'est à peu près tout à propos de cette soirée du Nouvel An. Donc voilà, une soirée très chère dont on ne connaît pas encore le programme. C'est à peu près tout pour ce qui est des soirées. Si vous voulez en réserver une, rendez-vous bien évidemment sur le site de Disneyland Paris. Et passons maintenant à une saison où à vous glacer le sang. Ah, je sais pas vous, mais personnellement, j'ai des frissons de nostalgie dès que j'entends une vieille musique des Halloween passés à Disneyland. J'ai toujours adoré cette saison d'ailleurs, je me souviens des Hommes Citrouilles qui envahissaient Main Street et Frontierland à l'époque. Je me souviens de ces shows et de leur musique d'Halloween joyeuse et entraînante. Mais je ne suis plus retourné sur le parc pour Halloween depuis que les fantômes ont remplacé les citrouilles sur Main Street. Ça fait donc un bon bout de temps et je pense y retourner cette année. Et en parlant de déco, on nous a annoncé que cette saison serait intimement liée avec l'anniversaire de Mickey. Et on nous promet des décorations spéciales sur Main Street et dans Frontierland pour l'occasion. En plus du nouveau char de la cavalcade thématisé sur Phantom Manor, nommé le Manoir aux Illusions de Mickey, qui nous promet des disparitions et apparitions mystérieuses. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, des décos en rapport avec les 90 ans de Mickey et la saison d'Halloween sur Main Street? Eh bien, j'ai un petit doute. Est-ce qu'ils vont remplacer les fantômes cette année pour installer de nouvelles décos en rapport avec Mickey? Alors peut-être des Mickey déguisés en fantômes ou des Mickey... des têtes de Mickey citrouille, enfin c'est vraiment c'est assez flou et j'arrive vraiment pas à savoir comment ils vont incruster une déco qui mêle Mickey et Halloween sur Main Street. J'espère que ça fera pas trop cheap et j'espère que ça sera vraiment beau et bien incrusté. Donc ça c'est la question que je me pose. Et pour ce qui est de ce nouveau char, eh bien j'ai vraiment très très hâte de le voir. Il a l'air vraiment surprenant avec pas mal de petits effets un peu de partout. Donc ça a l'air vraiment sympa. Niveau show, on nous promet un spectacle basé sur les méchants Disney au théâtre du château. À voir s'il s'agit toujours de C'est bon d'être un vilain avec les méchants Disney, qui était un spectacle qui était déjà présent avant depuis pas mal de temps. Et on nous promet le retour de Maléfique dans la cour du château. Donc peut-être un retour des ronces, c'est fort probable puisque ça fonctionnait pas mal les années précédentes. Et tout cela aura donc lieu du 1er octobre au 4 novembre 2018. Hélas, je suis obligé de vous dire, stupide mortel, qu'un invité de cette saison Halloween sera absent cette année. En effet, il semblerait que des esprits farceurs aient prolongé la réhabilitation de Phantom Manor, forçant une réouverture reportée à janvier 2019. Mais pendant ce temps, l'enquête pour déterminer quels sont les événements à l'œuvre dans Phantom Manor continue, et on a appris durant la Disney Fan Days qu'un certain Vincent Price serait de retour dans l'attraction à sa réouverture. Alors pour ceux qui ne savent pas, Vincent Price, c'est un acteur qui est malheureusement décédé depuis maintenant pas mal de temps, et qui avait enregistré la première version de la voix qu'on peut entendre dans le foyer, dans la stretch room et donc dans la galerie des portraits à l'intérieur de Phantom Manor. Et quand l'attraction a ouverte, eh bien c'était la voix de Vincent Price qui était qu'on pouvait entendre, donc en anglais bien évidemment, même s'il avait également enregistré une version française qui était bien évidemment un peu moins exploitable. Et donc là, on nous a annoncé que cet audio-là de Vincent Price allait revenir à la réouverture. Et alors moi, ça me fait poser pas mal de questions. Premièrement, est-ce qu'on va avoir que de l'anglais, donc que la version de Vincent Price, ou est-ce qu'on va avoir une espèce d'alternance entre le français et l'anglais, donc avec une phrase en français, une phrase en anglais, etc. Ou alors est-ce que ça va être un peu comme dans Star Tours, un système où on peut réguler et donc soit mettre la version anglaise, soit mettre la version française en fonction des guests présents dans l'ascenseur par exemple. Je sais pas trop comment ils vont gérer ça. Est-ce que ça sera du coup en même temps anglais, français, que français, enfin que français non du coup, ou que anglais, je ne sais pas. En tout cas, faut pas oublier qu'on est un parc très central en Europe et donc on a beaucoup de pays différents, beaucoup de nationalités différentes qui viennent. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que passer ça tout en anglais améliorera forcément l'expérience pour les autres visiteurs? Oui et non. Oui, parce que l'anglais c'est quand même la langue un peu internationale qui est censée être appris par tout le monde, même si tout le monde ne parle pas anglais bien évidemment dans tous les pays, etc. Et les enfants non plus d'ailleurs. Donc ça peut résoudre le problème en partie, mais pas entièrement. Donc ça serait quand même un peu triste selon moi qu'on ait que du 100% anglais, étant donné, bon après ça c'est un peu un caprice de ma part, mais on a tellement été habitué à cette voix française dans l'attraction que passer à du tout anglais, je sais pas si c'est vraiment la meilleure des solutions. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, Vincent Price, c'est un acteur mythique qui est notamment apparu dans Édouard aux mains d'argent, si vous voyez qui c'est. Donc voilà, à voir ce que ça va donner à la réouverture. Mais si les portes du manoir resteront fermées pour Halloween, il est fortement possible que celui-ci soit déjà débâché à cette période-là, puisque la bâche commence déjà peu à peu à être retirée. Les travaux avancent bien, et on a vu apparaître ce qui semble être une petite guérite en bois, qui semble être en bas des escaliers, et c'est très intriguant. Alors, on va un peu en parler de ça. Ça peut être plusieurs choses. Premièrement, la fameuse photolocation qui nous avait été promise durant la soirée Inside Ears et qui sera fixe. Ça peut très bien être ça, mais ça me paraît assez petit, donc je sais pas trop. Beaucoup de personnes pensent que la photolocation qui apparaîtra avec la réouverture de Phantom Manor est celle qu'on connaît déjà, sauf que ce n'est pas le cas. La petite photolocation qu'on a actuellement, la Spirit Photography, c'est quelque chose de provisoire qui est proposé par une entreprise externe à Disneyland Paris, donc c'est pas quelque chose qui va rester, et c'est provisoire. On a un vrai bâtiment, une vraie photolocation qui va être construite pour l'ouverture du manoir, on le sait. Donc est-ce que ça sera cette espèce de guérite là qui est apparue? Je ne pense pas. Je pense que ce sera autre chose et que ce sera peut-être situé ailleurs aux alentours du manoir. Donc là il y a une question qui se pose. Pourquoi construire une guérite alors qu'il y avait déjà, il n'y en avait pas forcément besoin en fait. L'entrée était déjà bien définie. Eh bien il y a plusieurs solutions. Est-ce que ce serait pas pour rediriger les gens vers une file Fastpass? On peut se poser la question puisque des tests avaient déjà été effectués il y a pas mal de temps pour des fast-pass à Phantom Manor et la file fast-pass passait tout simplement par les escaliers qui arrivent juste devant la porte du manoir. Donc il est possible que ce soit ça, il est possible qu'on voit arriver des fast-pass, même si personnellement j'en vois pas beaucoup l'utilité. C'est une file avec un très gros débit, une attraction avec un très gros débit où on attend rarement très très longtemps, allez 30 minutes au maximum d'après ce que j'ai fait moi, et même si la réhabilitation risque de comme pirate redonner un nouveau souffle à l'attraction, je ne pense pas que ce soit ce genre d'attraction là qui mérite une file fast pass. Alors est-ce qu'on va voir l'arrivée d'un système max pass, quelque chose comme ça, qui donc bénéficierait peut-être qu'on ait plus d'attractions fast pass? Je sais pas, j'y crois moyen, mais en même temps ça semble se préciser. Après ça peut très bien être juste une guérite qui fasse office de nouvelle entrée. Nous verrons bien, c'est très mystérieux, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Peut-être qu'on aura et la photolocation et les fast-pass en même temps. Hâte de voir ça, en tout cas le mystère est bien présent et j'ai hâte de pouvoir redécouvrir cette attraction mythique en janvier. Pardon, je ne voulais pas vous effrayer. Continuons la visite. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Alors, gardez votre sang-froid et restez groupés. Je serais navré de vous perdre si tôt. Petit point pour vous rappeler ce qu'est la Spirit Photographie que j'ai d'ailleurs pu tester cet été. C'est tout simplement un point photo provisoire qui se trouve juste devant les palissades de Phantom Manor où vous pouvez vous prendre en photo avec des fantômes grâce à une caméra spectrale. Et en fait, c'est tout simplement comme un peu un photomaton 2.0 où vous allez vous faire prendre en photo et tout simplement, ça va vous imprimer une affiche où vous serez pris en photo à côté du fantôme de Phantom Manor. Alors je dis le fantôme puisque bien évidemment on ne sait pas encore exactement qui c'est, même si moi, dans ma version de l'histoire à moi, alors attention, ne venez pas me dire que j'ai la science infuse ou je ne sais pas quoi, c'est vraiment ma version à moi, c'est pas la version officielle, hein, c'est ce que je pense. Le fantôme serait pour moi Henry Ravenswood. Mais donc voilà, vous vous faites prendre en photo à côté de ce fantôme-là, et c'est très sympathique, franchement. En plus, il y a un petit tube qui est livré avec la photo, donc avec l'affiche, qui vous permet de bien la ranger. Et au dos, vous avez quelques articles, ça fait un peu comme un journal que je n'ai pas encore lu, mais qui vous parle un peu de ce mystère autour de Phantom Manor, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, etc. Donc c'est pas mal, ça vaut le coup, c'est du très bon papier. C'est disponible pour 12€ et 6€ si vous avez un Photopass Plus. Donc voilà, j'ai pu le payer du coup à 6€ et franchement ça vaut le coup. Vous allez me dire pourquoi pas le faire gratuit pour les photopass? Eh bien puisque c'est une entreprise externe qui s'occupe de cette machine là. Voilà pour ce qui est de la Spirit Photographie. Et pour continuer avec les bonnes transitions, on va passer très rapidement sur les réhab en cours à venir ou terminés. On notera notamment qu'en parallèle des échafaudages qui montent à vitesse grand V sur la Tower of Terror, des échafaudages apparaissent également sur la façade côté parc du Studio 1. À mon avis, pour une simple réhabilitation au niveau des peintures. Mais l'info la plus étrange concerne l'attraction Ratatouille, dont je ne prononcerai pas le nom entier, qui, rappelez-vous, devait partir en rénovation pour cause d'affaissement des sols à partir de fin juillet, et ce pendant plusieurs mois. Eh bien, figurez-vous que finalement, celle-ci partira en réhabilitation uniquement du 2 octobre au 12 octobre 2018. Donc, on est passé de plusieurs mois à moins de 2 semaines pour régler ce qui semble être un problème majeur, ce qui semble donc est très étrange et j'espère qu'ils ne vont pas juste corriger à moitié le problème actuellement présent dans l'attraction. Alors, est-ce qu'ils ont tout simplement décidé d'annuler ou de reporter cette réhabilitation? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait quand même un peu peur dans le sens où il était censé avoir un problème quand même assez conséquent. Et là, on nous dit que finalement, on va avoir une toute petite réhab, donc j'espère que les choses vont bien se passer. Et pour en terminer avec les réhabs, Mad Hatter Stick-Ups a enfin réouvert ses portes, et en plus de manière resplendissante, puisqu'on retrouve des couleurs vives et magnifiques, et un effet de rayon multicolore sur le toit la nuit, qui rend vraiment pas mal des espèces de rayons multicolores. Et déjà que c'était une attraction que j'aimais beaucoup faire de nuit, alors là je pense que ça va encore plus être le cas. Donc voilà, ça avait pris un peu de retard, mais c'est bien sympathique, le résultat est là, ça c'est sûr. Il est temps d'en finir avec ces news en vrac, avec une dernière information qui concerne la saison de Noël, puisqu'on a tout simplement appris que Mickey, le Big Band de Noël, sera de retour au Animagic Theater cette année. C'est assez étrange quand même, puisque généralement Mickey et le magicien occupent la place du Animagic Theater. Et on sait que normalement le show Marvel, l'Alliance des super-héros, devrait s'arrêter à la fin de la saison de l'été des super-héros Marvel. Donc pourquoi ne pas mettre ce spectacle-là au Studio Theater, tout simplement, et laisser Mickey le magicien également au Animagic Theater, ce qui ferait deux spectacles familiaux à l'ambiance quand même assez féerique, qui seraient deux très bons shows, parfaits pour la saison de Noël. Et non, là, on décide de remplacer Mickey le Magicien l'hiver par ce spectacle-là, qui certes est très bien, mais du coup, on se pose la question de qu'est-ce qui va se situer au Studio Theater? Est-ce qu'on va avoir une prolongation de l'Alliance des super-héros? Je n'en sais rien, mais je trouve ça assez dommage quand même. Alors peut-être qu'ils ne voulaient pas deux shows contenant Mickey très proches les uns des autres. Je ne sais pas vraiment, en tout cas c'est assez dommage, mais bon, c'est bien que ce spectacle ait enfin la reconnaissance qu'il doit avoir et qu'il soit disponible dans une plus grande salle que le Vidéopolis. On en a enfin fini avec les news en vrac et on passe de suite au dossier du mois, un dossier très excitant, très riche en contenu, puisqu'on va parler de l'arrivée de Marvel dans les parcs Disney et plus précisément à Disneyland Paris. Donc comment nous allons procéder? Eh bien c'est très simple, ce dossier va se diviser en quatre parties bien distinctes. Premièrement, on va s'intéresser à l'arrivée progressive de Marvel dans les parcs. Donc comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui, donc à la saison des super-héros Marvel. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment ça a débuté tout simplement dans les parcs et comment Marvel est apparu au fur et à mesure? Ensuite, on s'intéressera bien évidemment à la saison des super-héros Marvel qui est présent cet été à Disneyland Paris. Donc là, je vais vraiment vous donner mon avis en détail sur chaque show. On va en parler. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Donc ça, on va vraiment rentrer dans les détails là-dessus. Ensuite, en troisième partie, vous allez voir, c'est la plus drôle et la plus piquante, j'ai envie de vous dire. On va parler de cette fameuse soirée Marvel réservée au pass annuel qui a eu lieu le 7 juillet. Je vous en dis pas plus, mais vous allez voir, ça risque d'être assez drôle ou plutôt triste, hein, on va pas se mentir, donc on verra ça plus tard pour cette troisième partie. Et je finirai assez rapidement avec l'avenir de Marvel dans les parcs Disney et à Disneyland Paris. Donc on va amener de nouvelles hypothèses, on va parler de ce qui va se faire pour sûr, et ça risque d'être assez sympathique pour ce dossier du mois. Et donc on commence de suite avec la partie 1. Pour commencer, comme on a pu l'apprendre durant la conférence de la soirée Marvel, la première apparition de cet univers dans un parc Disney a été très discrète, si je puis dire, car il s'agissait d'une rethématisation du monorail de Walt Disney World sur le thème des Avengers pour promouvoir le film en 2012. Mais c'est en réalité véritablement en 2013 que les héros Marvel ont réellement fait leur apparition au sein même d'un parc Disney, au Tomorrowland de Disneyland Resort en Californie, avec des meet and greet proposés en simultané avec deux expositions. Vous pouvez respectivement rencontrer Thor et Captain America. Donc la première exposition se nomme Thor Treasures of Asgard et l'autre Captain America The Living Legend and Symbol of Courage. Donc là j'espère que vous appréciez bien ce magnifique accent anglais. A noter, ce qui est pour moi quand même assez scandaleux, enfin bon scandaleux peut-être pas mais c'est quand même un peu abusé, le costume de Thor n'a pas changé depuis 2013, donc depuis sa première apparition. Vous vous doutez bien qu'il y a quand même un petit problème selon moi, étant donné que dans les films, son look a beaucoup changé, on n'a plus cette armure un peu plastique, on n'a plus ce casque qu'il avait dans les premiers films, donc vraiment il y a eu une évolution, et cette évolution, c'est assez dommage de ne pas la ressentir également dans les parcs, puisqu'on essaye vraiment d'évoluer dans la mouvance des films. On a par exemple eu Black Panther qui est arrivé dans les parcs Disney, alors pourquoi ne pas évoluer le costume de Thor, je ne sais pas, on en reparlera plus tard, ça c'est un problème selon moi. Donc, mis à part ça, il y a eu également en 2013 une exposition nommée Iron Man Tech présentée par Stark Industries, qui était en fait une exposition des armures d'Iron Man, toujours à Disneyland Resort au Tomorrowland. Et en 2014, c'est notre cher parc Disneyland Paris qui va voir arriver les héros Marvel avec une première rencontre avec les personnages et notamment une rencontre du coup avec Spider-Man, donc la version des Amazing Spider-Man qui va avoir lieu au Blockbuster Café et qui va au final finir par rester un bon bout de temps quand même. Bon, jusqu'à présent, on ne parle que de rencontres avec les personnages et d'expositions provisoires. Alors vous allez me dire, à quand une véritable attraction Marvel ? Eh bien, il faudra attendre fin 2016 et partir à Hong Kong Disneyland pour assister au premier soft opening du nouveau e-ticket Iron Man Experience, qui est en fait leur équivalent de Star Tours, mais dans le thème d'Iron Man où celui-ci va recruter des guests pour l'aider à aller sauver Hong Kong d'une attaque extraterrestre. Donc c'est vraiment ça sympathique qu'ils aient finalement changé le concept de base qu'est Star Tours, donc en reprenant vraiment la même structure, le même simulateur et en l'adaptant à une attraction Iron Man, et ça fonctionne très bien puisque c'est pas une simple attraction qui est arrivée mais véritablement le début d'une véritable extension de Tomorrowland où on retrouve également la Stark Expo où les visiteurs peuvent rencontrer Iron Man en personne et en savoir plus sur la Stark Industries. Et c'est donc véritablement en 2017 que les choses s'accélèrent. En effet, à Disneyland Resort, la traditionnelle attraction The Twilight Zone Tower of Terror a eu droit, malgré de nombreuses polémiques sur le sujet, à une rethématisation complète et radicale, laissant place cette année-là à une attraction nommée Guardian of the Galaxy Mission Breakout. Ça vous dit sûrement quelque chose. Et il s'agit donc désormais d'une attraction dans laquelle vous rentrez dans la forteresse du collectionneur Tivan, qui expose fièrement sa collection. Mais voilà, un des éléments de sa collection n'est rien d'autre que les gardiens de la galaxie en personne. Donc l'attraction va nous permettre de suivre Rocket dans son plan pour aider les gardiens à s'évader de la tour à coup de chute aléatoire et de musique endiablée. Donc ça apporte vraiment un nouvel élément qui est la chute aléatoire. Et on a vraiment quelque chose de bien plus dynamique avec de la musique pop comme on a l'habitude de la voir dans les Gardiens de la Galaxie. Et quoi qu'on en dise, on ne peut pas nier que l'attraction possède un des taux de satisfaction visiteurs les plus élevés du resort. Et qu'une grande partie des fans sont finalement satisfaits. Et il n'y a que les personnes qui ne l'ont pas testé qui sont vraiment très sceptiques. Mais ça, on va bien évidemment en reparler en fin de podcast, vous en doutez. C'est une attraction qui a fait beaucoup parler d'elle, il y a eu beaucoup de rumeurs et même jusqu'à récemment il y a le doute qui plane à cause de certains éléments qui ont eu lieu durant une certaine soirée. C'est donc en parallèle de l'ouverture de cette attraction qu'arrive une nouvelle saison très light malgré tout à Hong Kong Disneyland et à Disneyland Resort nommée Summer of Heroes où on va retrouver par exemple en Californie un spectacle nommé Danse avec les Gardiens de la Galaxie, là je fais la traduction française du coup, qui se trouve au pied de Mission Breakout et où vous allez retrouver Star-Lord, Gamora et même Groot version adulte qui vont devoir se déhancher et danser avec toute une storyline un peu prétexte certes mais qui est très logique puisqu'elle est en lien avec l'attraction qui se trouve au pied du show. C'est à peu près un des seuls spectacles qu'il y avait. Il y en avait quelques autres par-ci par-là, vraiment des petites animations. On avait notamment une voiture des Avengers avec Black Widow et une espèce du coup de Jedi Academy version Marvel et version Avengers. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'était une bonne petite saison sans grande envergure, sans gros show, puisque c'était vraiment porté par l'arrivée de cette nouvelle attraction. Et vous vous en doutez, on arrive maintenant en 2018 où on retourne à Disneyland Paris pour l'arrivée d'une nouvelle saison très très très très attendue, très très très médiatisée, nommée l'été des super-héros Marvel. Voilà pour ce qui est de la rétrospective, il est désormais temps que vous sachiez ce que j'ai pensé de cette fameuse nouvelle saison que j'ai pu expérimenter début juillet. Bon, les rétrospectives, c'est bien sympa, on a appris pas mal de choses, mais maintenant on va passer aux choses sérieuses. En effet, la saison des super-héros Marvel, vous le savez certainement, c'est une saison qui a beaucoup fait parler d'elle. On en a entendu parler bien, bien, bien avant qu'elle commence. On a eu même une exposition au Palais de Tokyo, de Paris pour nous présenter la soirée avec une mise en scène, vraiment quelque chose de gros. On nous vendait ça comme l'événement de l'année, la nouvelle saison à ne pas rater. Contrairement à Pirates et Princesses qui a reçu vraiment. Niveau marketing, quelque chose d'assez moindre. Et donc, qu'est-ce que ça donne véritablement? Alors, on va commencer par ce qu'on voit directement quand on arrive sur place au Walt Disney Studio. C'est tout simplement l'ambiance et les décors présents tout autour de la place des Stars et des studios globalement. Mais c'est surtout sur la place des Stars que ça se concentre. Donc, pour mon avis global là-dessus, on a une ambiance plutôt sympa avec des statues qui en photo me paraissait un poil cheap. J'avais peur que ça fasse pas très très beau, surtout au niveau des gros socles, notamment le socle de Black Panther que je trouve assez grossier, et celui de Hulk aussi. À Iron Man ça passe un peu mieux, et en les voyant en vrai, ces statues, ben finalement elles passent super bien, elles sont très impressionnantes et elles apportent vraiment une immersion que je n'attendais pas. Sur cette place des stars, on a vraiment un environnement Marvel. Elles sont vraiment aux quatre coins de la place et ça apporte vraiment quelque chose de très sympathique, et c'était encore plus marquant durant la soirée Marvel, mais ça je vous le dirai un peu plus tard. Et donc voilà, vraiment ces statues, c'est vraiment bien foutu. Ça vous permet de prendre des selfies avec Black Panther, Iron Man et Hulk, qui sont des personnages qu'on ne peut pas rencontrer bien évidemment en dehors de spectacle, tout simplement. Même si Black Panther ça aurait pu, mais ils ne l'ont pas fait. Vous doutez bien qu'Hulk et Iron Man c'est un peu plus compliqué. Hulk est très grand, donc faire un personnage réel ce serait très vite très cheap. Et Iron Man il est disponible à Hong Kong, mais son armure reste quand même assez plastique, étant donné que Iron Man c'est vraiment une armure normalement lourde, vraiment métallique, et ça limiterait les déplacements de faire ça tout simplement pour une rencontre personnage. Donc ça, ces statues, c'est vraiment top. On a aussi quelques banderoles des super-héros Marvel qui sont disposées sur les enceintes. C'est de très belles photos, c'est très beau, franchement ça fonctionne plutôt bien. Et du coup le Studio Theater a réouvert pour le show L'Alliance des super-héros Marvel, et on a retrouvé une nouvelle décoration qui est très sobre, puisque le théâtre va devoir être en capacité d'accueillir d'autres shows que ce show-là. Donc vraiment c'est uniquement des affiches qui représentent les super-héros Marvel. Ces affiches elles sont, je trouve, assez originales, mais il y a vraiment quelque chose de pas marquant en fait. On n'est vraiment pas marqué par le studio, mais ça reste très classe. D'ailleurs, le nouveau logo Studio Theater est très très beau avec ce rouge vraiment très cinéma, même si on perd un peu ce thème cinéma pour le parc Walt Disney Studio. C'est très très classe et ça fonctionne quand même bien, même si c'est pas marquant. Il y a juste peut-être l'écran LED qui me dérange un peu. Je suis pas fan de l'utilisation des écrans LED comme ça en plein milieu pour marquer l'entrée. Alors ça permet d'afficher les horaires du spectacle, donc c'est plutôt bien fait, mais c'est pas quelque chose dont je suis fan. Je trouve ça par exemple mieux du côté du Animagic Theater, où le théâtre est plus resplendissant, on a vraiment ce logo Animagic Theater au milieu et cette espèce de petit panneau d'affichage devant qui vous annonce les horaires. Là je trouve ça un peu mieux fait, mais là c'est vraiment du pinaillage, ça fonctionne très bien. Et du coup c'est sur cette place des Stark qu'a lieu le spectacle nommé Stark Expo, une énergie pour demain. Alors ce spectacle, j'avais des doutes et j'avais un peu peur, puisque tous les shows qui ont eu lieu jusqu'à présent sur cette scène ont été très très bof. Hein. On se rappelle de la saison de la Force, avec un spectacle ennuyeux au possible. Je suis même pas resté jusqu'au bout du spectacle, tellement c'était ennuyeux. On a juste un défilement de personnages sans intérêt avec des extraits de films Star Wars. Mais Star Wars, si j'ai envie, je peux très bien le regarder chez moi, on va pas se mentir. Hein. Donc bon, c'était vraiment très bof. La saison de Noël, avec ce show très cheap, très old school, très tout ce qu'on n'aime pas au final dans les shows Disney, qui essayent d'imiter un peu cet aspect jeune avec les téléphones portables, mais ça fonctionne pas bien, ça fait très cheap, très très dépassé. Donc voilà, tous les shows sur cette scène n'étaient pas top, et je me suis dit c'est peut-être l'occasion de faire un truc vraiment impressionnant avec je sais pas, des petits effets spéciaux, peut-être une voiture qui rentre sur la place, avec des personnages qui sortent de la voiture pour accéder à la scène, vraiment un truc plus ambitieux, avec plein de personnages, une histoire vraiment solide. Il y aurait moyen de faire quelque chose, hein, vraiment. On a vraiment un espace à 360 degrés avec les haut-parleurs, donc c'est vraiment sympa. Et au final, eh bien, c'était une déception. Un peu comme tous les shows précédents. Alors, c'est un peu mieux que la saison de la Force, puisque là on a réellement des combats, et ça manquait à la saison de la Force, puisque on n'avait aucun combat de sable laser et c'était manquant, mais ça peut se comprendre, il y a toute une histoire de droit autour de Star Wars, un cahier des charges, choses à faire ou à ne pas faire, c'est compréhensible, mais là vraiment on a des vrais combats. Alors ce sont des combats un peu mous, c'est très chorégraphié certes, mais ça reste des combats et ça fonctionne quand même. Plus ou moins, on voit que c'est pas réel, que ça fait plus de la danse, mais dans un sens, ils allaient pas non plus vraiment se taper. On n'est pas comme au cinéma, on n'a pas le temps vraiment de faire prise par prise, de placer l'angle de la caméra de façon à ce qu'on ne voit pas tout simplement la supercherie, on n'a pas tout simplement cet atout du montage qui permet de donner du rythme à un combat. Non, là c'est vraiment en temps réel, donc je vois pas bien comment ils auraient pu faire autrement, mais ça fonctionne quand même mieux dans l'Alliance des super-héros, qui est vraiment un plus gros show avec plus d'ampleur. Donc la Stark Expo déçue, un scénario un peu pas vraiment intéressant, c'est encore une fois un truc un peu prétexte. Il y a cette histoire de Stark Expo, alors ça par contre c'est vraiment sympa le lien qu'ils ont fait avec Hong Kong, ça nous montre vraiment qu'ils sont conscients de ce qu'ils font avec Marvel et du lien qui vont lier peut-être les futurs lands les uns avec les autres avec cette Stark Expo présente à Hong Kong du coup. Donc ça c'est vraiment sympa le lien qu'ils ont fait avec Hong Kong du coup, avec Iron Man qui vous parle au début du show tout simplement. Pour ce qui est des personnages, on a la VF de Spider-Man qui est la même que dans les films. Ça c'est vraiment très sympa pour tous les shows, ils ont gardé la même VF, ça fonctionne très bien. Après on va pas se mentir, son apparition arrive quand même un peu comme un cheveu sur la soupe, hein. Il arrive tout simplement du toit de Disney Junior, là il y a des étincelles qui apparaissent, c'est vraiment très sympa au niveau effet surprise. Et là tout d'un coup, il rentre dans une bouche d'aération et quelques secondes plus tard à peine, il ressort par une trappe d'en dessous de la scène de la place des Stars. Alors là, vous allez me demander comment il a fait pour venir du haut de Disney Junior jusque sur la scène. C'est-à-dire qu'il est descendu en piqué, ensuite, enfin bref, c'est assez drôle à voir. C'est un petit détail, hein, bien évidemment, ça apporte un côté surprise, un côté 360 degrés qui est très sympa. D'ailleurs, il paraîtrait qu'il aurait été envisagé de le faire venir en tyrolienne, donc il passe par-dessus le public, ça aurait été mais méga impressionnant, et ça aurait remonté le niveau de ce show, et ça aurait valu vraiment le coup. Rien que pour ça, ce show aurait été super, mais on comprend bien qu'au niveau sécurité, ça peut être un peu limite, surtout Disney qui est très très très normé en termes de sécurité, donc on peut le comprendre, c'est quand même sympa. Mais c'est un show que je verrai pas deux fois, quoi. C'est à faire une fois, c'est sympa, on voit un peu quelques combats, mais vraiment ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. La Stark Expo, je m'attendais à plus, il y avait moyen de faire quelque chose, et ils ont fait quelque chose de très limité. C'est un peu un avant-goût de l'Alliance des super-héros niveau combat, par exemple, et voilà. Autre show en extérieur présent durant cette saison, c'est Danse avec les Gardiens de la Galaxie. J'en attendais un show simple, dynamique et qui met l'ambiance, et c'est précisément ce que c'est. Alors vraiment, c'est une vraie surprise pour moi ce show. Déjà, ça commence avant même le show, puisque je trouve que ça doit dépendre des jours, mais les castes sont vraiment impliqués juste avant le show. Ils vous font taper des mains, ils commencent vraiment à vous mettre dans l'ambiance. On a quelqu'un en tenue vraiment d'agent des Avengers, du Shield un peu avec une casquette qui vient chauffer un peu le public juste avant que le show commence, donc ça déjà ça vous met dans l'ambiance avant même que le show commence, et il y a vraiment une super bonne ambiance du public, quoi. C'est vraiment tout au long du show, tout le monde tape des mains, tout le monde lève les bras, tout le monde danse, même ceux qui sont pas sur scène, il y a une super ambiance, les gens sont relâchés, ils sont pour la plupart du temps du coup en vacances, et vraiment il y a une super bonne ambiance, il n'y a pas aucun jugement, on est vraiment sur un super show avec une bonne interaction très très fun. La musique est vraiment très sympa, ça bouge pas mal, enfin vraiment on oublie même la ressemblance de Star-Lord. Au début j'avais peur de me dire pendant le show que c'était tout simplement pas Star-Lord, hein, que c'était pas Chris Pratt. Ça c'est un peu comme tous les personnages tout simplement à face révélée, j'ai envie de vous dire. On a toujours un peu ce côté un peu gênant du c'est pas l'acteur original, quoi. Et là on l'oublie complètement de par l'ambiance du show, de par le dynamisme que le cast member apporte, et ça c'est vraiment super. Vraiment j'ai rien à dire sur ce show, c'est vraiment super cool, quoi. Je me suis même surpris à un peu participer. Par contre un gros défaut quand même, ça concerne l'emplacement qui est quand même pas terrible, c'est entre le Studio Theater et Disney Junior, donc il n'y a vraiment pas de place, les gens se tassent en arc de cercle pour assister au show, ils auraient peut-être pu disposer la scène ailleurs, car en effet, une nouvelle scène a été créée pour tout simplement accueillir ce show, en plus de la grande scène de la place des stars qui est déjà présente, on a construit une nouvelle petite scène, et ça apporte vraiment quelque chose de bien, puisqu'on a une proximité réelle avec les personnages, et ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être au cœur du show, de danser avec eux, et l'ambiance est géniale. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, à part que c'est vraiment un bon show, simple, mais très efficace. Bon, après, niveau du public, j'imagine que c'est vraiment à double tranchant. Soit vous tombez comme moi sur un show vraiment hyper dynamique avec un bon public qui limite vous force à aller acheter une bouteille d'eau après, tellement c'était, j'ai envie de dire, tellement il y avait de l'ambiance, quoi. Et soit vous tombez sur un show où personne ne participe et ça peut vite devenir très très très gênant et très dérangeant. Donc voilà, j'espère pour vous, si vous allez tester ce show là pendant le mois d'août ou de septembre, que vous aurez vraiment une bonne ambiance et que les gens joueront le jeu. We'll be right back. On passe maintenant à ce qui est l'événement de cette saison des super-héros Marvel, le show qu'on nous a vendu, survendu comme étant ultra technologique, un show vraiment à 360 degrés, vraiment on nous a vendu ça à tire-larigot, ce show qui remplace le très regretté Cinémagique, mais les choses doivent évoluer et donc le Studio Theater fait désormais place pour cette saison à l'Alliance des super-héros Marvel. Et alors, qu'est-ce que ça donne après tous ces mois d'attente et de spéculation pour ce show ? Eh bien, c'est franchement pas mal du tout, hein. En tout cas, quand je suis sorti de la salle, j'étais vraiment hyper satisfait de ma séance et en même temps, j'avais cette sensation qu'il manquait quelque chose. C'est vraiment très bizarre, hein. Quand vous irez voir le show, vous me direz si ça vous fait la même chose ou si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter, mais vraiment, quand vous sortez de ce show, il y a vraiment cette sensation d'être satisfait, d'avoir vu quelque chose de bien, mais en même temps, on sent qu'il manque quelque chose, et c'est sûrement la part émotionnelle qui manque. On sent qu'il y a quelques petits défauts, vraiment, c'est un peu une séance en vague, où il y a des moments où on est vraiment happé par le show, des moments où ça redescend un peu, des moments où ça remonte, c'est vraiment, vraiment en demi-teinte, quoi. Il n'y a pas vraiment de waouh tout le long du show, ni de déception tout le long du show, c'est vraiment à double tranchant. Donc pourquoi c'est impressionnant ? Ben tout simplement le déballage technique, on va pas se mentir, hein. Oui, c'est un show technologique, j'ai eu la chance d'avoir tous les effets durant ma séance, donc j'ai eu l'OVNI qui est littéralement passé au-dessus de moi, ça c'est très impressionnant, hein. Vous vous y attendez pas, enfin j'avais déjà vu la vidéo, mais c'est quand même impressionnant de voir cet ovni géant qui vous passe juste au-dessus de vous. Alors bon, ça fait un peu ovni, vous savez, Mars Attaque, vieux film d'Alien. Ça, c'est quand même un peu drôle et pas forcément adapté à l'univers Marvel, mais ça reste impressionnant. Et c'est ce qu'on demande au show, au final, c'est ce qu'on nous a vendu. On a l'arrivée d'Iron Man qui est quand même assez cool. Quand on le voit comme ça glisser sur le parquet de la scène, c'est assez sympathique. Vraiment un déballage technique présent, quoi. Peut-être cette cage là avec où on retrouve Doctor Strange qui est un peu trop voyante, on comprend de suite quel est l'effet, on voit carrément le câble qui est suspendu au-dessus des projections qui se trouvent au-dessus de la scène, donc ça casse de suite l'immersion. Et en parlant du coup d'immersion, les projections sont d'une qualité vraiment au top, quoi. On a vraiment une définition hyper élevée, notamment au niveau des parquets, ça c'est très bien fait. Le parquet, en fait, la projection sur le sol change en fonction du lieu. Donc par exemple, dans le sanctuaire de Doctor Strange, on a vraiment un parquet qui est projeté et ça fonctionne parfaitement bien. Tout ce qui est projection, globalement, c'est réussi. On passe facilement d'un lieu à un autre. Il y a pas mal de surface pour projeter un peu de partout. Il y a juste sur les côtés où, certes, c'est sympathique, notamment pendant la séquence d'intro avec vraiment tous ces héros Marvel qui défilent comme tout simplement au début du film du MCU. Ça fonctionne vraiment bien, mais c'est un peu moins utile, c'est-à-dire que ça n'a pas trop d'intérêt de regarder ce qui se passe sur les côtés, tout se passe vraiment devant et au-dessus de vous, et on a un show vraiment, vraiment top niveau technique, même si ça pose de gros problèmes, on va le voir. Et pourquoi ça nous fait un manque ? Pourquoi, quand on sort du show, on a cet aspect quand même de déception qui reste en arrière-goût, même si globalement on a apprécié ? Et ben, je pense tout simplement que ça manque d'émotion. On sort du show, le show déjà se termine sur une chute humoristique. Ça, pour moi, c'est quand même un peu limite pour un show comme celui-ci de finir avec une blague de Spider-Man. Donc bon, ça, c'est quand même un peu dérangeant. On a quelques effets qui font un peu tâche, quelques projections qui font un peu tâche. Je pense notamment au moment où Spider-Man devient Spider-Man et se fait piquer en fait par l'araignée. Là, on a vraiment une araignée, je sais pas, vraiment, vous pourrez taper à araignée.png sur Google Images, limite, vous la trouverez, vous la mettrez dans le show. C'est quand même un peu violent ce que je dis là, mais voilà, ça fonctionne pas très bien, c'est du pinaillage bien sûr, mais voilà, il y a ça. Il y a aussi, ce qui m'a beaucoup dérangé aussi, c'est l'alternance français-anglais qui fonctionne pas du tout dans ce show, c'est-à-dire que vous avez par exemple, je sais pas, Captain America qui va dire, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, il faut aller sauver Thanos, et vous avez de suite après Captain America toujours qui va redire en anglais exactement la même chose, et c'est ça pendant tout le show. Ce qui est dit en français se répète en anglais, et ça c'est vraiment mal fait, puisqu'en plus Disneyland Paris sait faire ce genre de choses. On a pas mal de shows où il y a un personnage qui va dire quelque chose en français, et son interlocuteur va lui répondre en anglais. Et du coup, étant donné qu'on a ce jeu de questions-réponses, on comprend quand même ce qui se passe sans qu'il y ait besoin de répéter la chose et que ça casse le rythme et qu'on se dise « Ok, ça fait faux ». De plus, il y a vraiment ce côté show préenregistré qui est dérangeant. Ça fait vraiment faux, en fait. On sent bien que les acteurs font du playback. Alors, ils le font bien, surtout maintenant que le show s'est rodé. Mais ça reste quand même un poil dérangeant à ce niveau-là, selon moi. Ensuite, on a Thanos. Thanos, un poil déçu par son apparition. Alors, vous allez me dire que vous ne voyez pas comment ils auraient pu faire autrement. Moi non plus, je ne sais pas vraiment. Mais vraiment, le laisser assis dans son fauteuil, c'est peut-être un poil décevant. Encore une fois, c'est peut-être un peu du chipotage, je voulais me dire. Mais vraiment, c'est plein de petits éléments qui font qu'au final... il y a un petit goût de déception. Voilà le rythme qui est un peu mal fait. On a une grande première partie du show où on nous expose très rapidement les enjeux du spectacle, donc l'histoire. Et ensuite, on va avoir un défilé de personnages. Donc, on va perdre de vue un peu cette histoire-là. Et hop, à la fin, on revient sur l'histoire avec ce rassemblement dans New York et dans un hangar des super-héros avec une fin très, très, très rythmée, contrairement au milieu du show. Donc voilà, c'est un peu étrange, ça fonctionne bien quand tous les effets marchent, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un show qui a pas mal de problèmes, même encore après un mois de son ouverture, il y a beaucoup de problèmes, un coup il y a la soucoupe volante, un coup c'est remplacé par un espèce de cube lumineux qui fait de la lumière dans la salle, la voiture volante n'est pas toujours là. Les drones ne sont pas toujours là. Alors la salle est de moins en moins évacuée d'après les retours qu'on peut avoir, puisque ça a quand même été assez catastrophique au début. On pense notamment au dimanche de lancement, mais je reviendrai pas sur cette polémique là. C'est loin maintenant, on est passé à autre chose, hein, même si c'était quand même scandaleux selon moi. Donc voilà, vraiment il y a quelque chose qui va pas avec ce spectacle au niveau de la maintenance. Est-ce qu'ils ont essayé de voir est-ce qu'ils n'ont pas été un peu trop ambitieux, je sais pas, et en même temps non, ils se doivent d'être ambitieux, j'ai envie de dire, c'est Marvel, dès qu'on dit Marvel, on pense à plein de super-héros, on pense vraiment à quelque chose d'explosif, et voilà, justement, ça manque un peu d'explosion, peut-être aussi des effets de pyrotechnie qui auraient été pas mal à ajouter, c'est faisable dans une salle, hein, des effets de pyrotechnie, ça existe, alors pourquoi ne pas en faire là, je sais pas, en tout cas, vraiment, il y a plein de problèmes techniques qui persistent encore, qui ont du mal à être corrigés, j'espère qu'ils vont rectifier le tir à ce niveau-là pour les saisons, les futures saisons, puisque il y a vraiment un bon potentiel pour ce show, et il manquerait pas grand-chose pour que ce soit vraiment du waouh du début jusqu'à la fin, rien que quelques effets pyrotechniques fonctionneraient. Et voilà justement un autre atout de ce show, c'est le déballage des personnages. On a plein de personnages Marvel qui arrivent sur la scène et qui combattent en même temps, et ça fonctionne hyper bien quoi. Moi qui aime beaucoup Doctor Strange, là on va le voir vraiment en action. On va avoir Scarlet Witch qui apparaît pour la première fois comme Nebula dans un parc Disney. On va avoir Spider-Man qui fait des blagues qui fonctionnent très bien. On va avoir Iron Man, Captain America, Thor, Loki, je ne sais plus s'il est présent dans le show, j'ai un doute à ce niveau-là. Il me semble pas, hein, mais vraiment là j'ai un doute à ce niveau-là. Donc voilà, on va vraiment avoir plein de personnages. Ça fonctionne bien, vous voyez. Mais voilà, globalement, c'est vraiment un résultat en demi-teinte pour moi. Mais il n'y a pas que des shows pour cette saison des super-héros Marvel, il y a aussi des rencontres personnages. Il y a notamment Captain America que vous allez pouvoir rencontrer pas loin de Stitch Live. Et c'est tout en fait. Et c'est ça le gros problème. Alors vous avez également la nouvelle version de Spider-Man, donc dans son nouveau costume, mais il n'est disponible que si vous achetez le séjour Marvel Signature, donc le séjour Signature Marvel dont on avait déjà parlé dans un podcast, il me semble que c'était le deuxième ou le premier, un des deux, donc n'hésitez pas à aller réécouter si vous ne vous souvenez plus ou aller chercher des informations sur internet. Mais voilà, en fait... si vous venez sur le parc comme ça, sans séjour signature, eh bien, vous n'allez pouvoir rencontrer que Captain America. Et pour une saison Marvel, ça c'est hyper décevant. Moi, quand on me dit Marvel, de suite, je pense à une profusion de personnages et je vois vraiment pas ce que ça aurait coûté de plus que de mettre vraiment plus de personnages disponibles. Ils nous disent que Black Panther sera présent sur les parcs. Alors oui, il est dans les shows, mais pas en rencontre personnages. Alors pourtant, c'est un film qui a marché au-delà des espérances du studio. Il est arrivé en rencontre avec les personnages, il me semble, à Walt Disney World ou à Disneyland en Californie, je sais plus. Alors pourquoi pas faire pareil en France, en plus de Captain America ? Pourquoi Spider-Man n'est pas accessible à tout le monde ? Pourquoi pas faire arriver Doctor Strange, comme aux États-Unis ? On nous fait comprendre qu'on s'aligne avec les parcs américains, c'est vrai sur beaucoup de points, et là, on régresse en ayant seulement Captain America, Thor et Loki à la soirée Marvel, voilà. Donc des personnages pas très originaux qu'on retrouve un peu dans tous les shows, pourquoi ne pas nous mettre des personnages récents ? Ça, c'est vraiment un truc qui manque. Et alors en plus, si vous voulez prendre une photo avec Captain America, il va falloir passer par l'application Line Bertie et réserver dès 10h45, il me semble que c'est ça pour Captain America. Dès 10h45, il faut que vous soyez sur l'application et les places partent en moins d'une minute pour certaines journées. Je sais que moi j'ai pas réussi à en avoir une par exemple, et la seule photo que j'ai eue avec Captain America c'était durant la soirée Marvel, et vous allez le voir, c'était pas très raisonnable quoi comme truc. Donc bon, voilà, ça c'est vraiment ça m'apporte vraiment pas mal de déception. Je m'attendais à beaucoup de personnages et au final on en a qu'un qui est inaccessible. Il va vraiment falloir qu'ils revoient leur système là avec Line Bertie et qu'ils songent à mettre plus de personnages pour les prochaines saisons. C'est pas ça, je pense, qui leur coûterait le plus en ajout. Voilà. Pour passer très rapidement sur les produits dérivés et la nourriture que j'ai pas pu tester, donc je ne pourrai pas vous en parler longuement, sachez qu'il y a réellement un alignement avec les parcs américains, ce qui est vraiment très très sympathique. On retrouve le gant de Thanos qui est vendu notamment, qui vous sert de support tout simplement pour boire par exemple vos granités, donc ça c'est plutôt sympathique. Le fait que les produits soient alignés avec ceux des parcs américains, c'est vraiment une bonne nouvelle. Niveau nourriture, il y avait vraiment une bonne offre avec des produits thématisés en lien avec la saison. Ça, c'est vraiment quelque chose qui commence à se démocratiser, désolé. Et c'est vraiment une bonne chose. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour ce qui est des produits. Donc voilà, pour faire un bilan de cette saison des super-héros Marvel, globalement, eh bien, même si j'en ai dit pas mal de mal quand même, ça reste très sympa et c'est vraiment une bonne entrée des super-héros Marvel à Disneyland Paris. Et il y a beaucoup de potentiel pour pouvoir encore plus l'améliorer avec plus de personnages, un show de l'Alliance des super-héros amélioré. Voilà, quelques petits ajouts peut-être à la Stark Expo. Il y a vraiment de quoi faire quelque chose de super pour les années qui vont arriver. Et ça reste globalement une saison très familiale qui fonctionne d'ailleurs très bien puisque ça apporte pas mal de monde au Walt Disney Studio et qui est vraiment sympathique malgré quelques défauts comme la Stark Expo et un show l'Alliance des Super-Héros qui a encore pas mal de problèmes. Mais globalement on est sur une saison qui a vraiment du potentiel. On a quand même ce goût de déception qui arrive, mais c'est aussi dû au fait qu'on nous a promis beaucoup de choses à propos de cette saison-là, que ça fait des mois qu'on l'attend, qu'on en entend parler, qu'on en parle. Donc la déception est forcément là. C'est comme si vous attendiez un film, que vous avez beaucoup d'attentes, et qu'au final, vous allez être déçu tout simplement. Donc c'est plutôt normal. Ça reste une bonne saison, à voir ce qu'ils vont faire les prochaines années. Mais tout ne peut pas être aussi beau. Rentrons dans les heures les plus sombres de Disneyland Paris. En effet, en plus de cette saison des super-héros Marvel, le 7 juillet a eu lieu la soirée Marvel, et j'ai pu y assister. Alors voici mon avis détaillé. Disneyland Paris 2018. Tandis que l'été des super-héros Marvel bat son plein, un scandale est sur le point d'éclater. En effet, la soirée Marvel réservée aux passes annuelles Magic Plus et Infinity s'avère être une véritable catastrophe. Notre reporter a réussi à récupérer des témoignages sur place, et vous allez l'entendre, les faits sont accablants. Ah, si j'aimais la soirée. Oui, c'était une soirée, hein. On a passé un bon moment, mais c'est parce qu'on avait des gens sympas avec nous. Hein. Ah bah oui, faut être honnête, hein, passer les pins, ces petits programmes qui étaient jolis, le reste de la soirée, ça n'a pas été exceptionnel. Hein. La conférence, on s'attendait à avoir vraiment quelque chose, des infos, des news, bah, il n'y en a pas eu. Et puis les attractions, oh là là, moi je m'attendais vraiment à un Mission Breakout presque hein, sur la tour. Mais non, on l'a pas eu. Et puis Rock'n'Roller Coaster dans le noir, bon, hein, c'est un peu malheureux quand même. Et les animations, parlons-en des animations. Il n'y avait pas grand chose, hein. Bah non, on avait vu les spectacles de la journée déjà, donc ceux qu'il y avait de nouveau le soir, on les a pas fait. Au final, ce qui était le mieux, c'était la DJ Party, hein. Bah oui, l'Electroland, en fin de compte, ça a bien marché, hein. Je crois que les gens se sont un peu forcés à aller suivre ça pour pas se sentir mal, en fait, hein, d'avoir payé 39 euros quand même. Après, quand on a vu que pour 39 euros, on avait déjà un pins à l'entrée, bah fallait s'attendre à ce que la soirée soit pas exceptionnelle, hein. Bah oui, hein, avec 39 euros pour un pin, en général, ils vendent 15 euros. Ça laissait pas beaucoup d'argent pour la soirée. Une soirée Marvel? Mais comment pouvez-vous appeler ça une soirée Marvel? Il y avait rien, c'était le vide absolu, je n'ai pas compris, il n'y avait pas d'ambiance. C'était aussi mort qu'un cimetière, c'était abominable. Il y avait une conférence, on espérait voir des choses intéressantes, avoir des informations, même... Pas dans le futur, et ils nous ont dit, mais qu'y aura-t-il dans le futur? Et finalement, non, ils ne peuvent rien nous dire, il y aura rien, il y aura le noir complet, le noir absolu, le vide, le néant. Partout où je me retournais, j'avais peur, les attractions Marvel, c'était pareil. On nous avait promis des attractions Marvel, d'aller dans la forteresse du collectionneur, non, non, non. On est allé dans un hôtel sombre, noir, obscur, dans lequel il ne s'est rien passé, ni rien vu. L'espiel était incohérent avec la façade. Je n'ai pas compris, j'ai cru que j'étais littéralement tombé dans la quatrième dimension. Mais, le plus terrible, c'est que les Avengers étaient là, ils auraient dû nous pouvoir nous sauver. Mais nous étions trop nombreux et eux pas assez. C'était effroyable, les Avengers nous ont abandonnés. J'ai rien compris à ce qui nous est arrivé. On voulait s'envoler vers le pays des rêves et bon, ça a pas trop mal commencé. Il y avait des gens en costume et des copains, mais tout a basculé. Désolé, c'est un moment difficile. Je suis encore sous le choc. Des allées vides, des attractions ratées. C'était l'horreur, l'horreur. Même Armageddon était ouvert. Armageddon, on sent. Plus jamais ça. Plus jamais. Non. Non, m'obligez pas à y retourner, non, non, en plus y'a personne, non, non, non! Les participants sont encore sous le choc. Une cellule psychologique aurait été ouverte dans la foulée. Entre ambiance non existante et rencontre avec les personnages impossibles, découvrez le désastre de la soirée Marvel. Un reportage signé DLP Podcast. Voilà, ça c'était cadeau, j'espère que vous avez bien rigolé et apprécié les caméos de Dizactu, Nagla Glaçon et Éparcurien qui nous ont livré une prestation à couper le souffle, vraiment bravo à eux, c'est digne d'une prestation d'un acteur d'Armageddon, hein, franchement on peut le dire. Donc ils ont bien voulu participer à cette petite folie, et vous avez d'ailleurs les liens de ce qu'ils font en description, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais donc vous raconter comment s'est déroulée cette soirée étape par étape. On va vraiment y aller progressivement, et vous allez un peu tout savoir, vous allez revivre la soirée à travers ce podcast. Donc pour être précis, je suis arrivé sur place à 19h50, dans la file pour accéder à la soirée. Et une fois rentré, j'ai retrouvé Dizactu ainsi qu'Éparcurien et Nagla Glaçon du coup, du podcast Rien que d'y penser, avec qui j'ai passé une bonne partie de la soirée. Et c'était d'ailleurs super de se rencontrer, on a vraiment passé de bons moments, mais c'était le seul point positif de la soirée, voilà. Ça c'est quand même un gros problème, hein. Quand j'en viens à dire que le seul vrai point positif c'était de passer un moment avec les Coupings, c'est vraiment qu'il y a un petit problème. On a donc décidé de directement se diriger vers la première séance de la conférence proposée durant la soirée et qui devait nous raconter comment ils ont procédé pour adapter les comics en spectacle et en animation dans les parcs Disney. Donc on s'est dit super, ça va être hyper intéressant, on va passer un super moment. Alors oui, on a passé un bon moment, mais vous allez voir que c'est pas tout à fait ce qu'on attendait. Donc dans la forme, c'était vraiment nickel. Il y avait une super utilisation des projections avec des effets un peu de comics, vous voyez, de pochettes de comics projetées en fait sur les différents supports de projection de la salle. Donc on est rentré dans la salle, on s'est vraiment dit waouh, franchement, ça en jette pas mal quoi. Et là, la conférence a commencé. Donc tout d'abord, on notera que on a eu une très bonne animation durant cette conférence. Enfin, l'animation était très très bonne. Donc c'était une conférence animée par Jonathan Rabot. À noter que la conférence a été traduite en français entièrement, ce qui est vraiment quelque chose de pas mal par rapport à la Fandays. Ils ont appris de leur erreur. Et c'était vraiment quelque chose de très sympathique. Ils ont su vraiment rebondir sur la chose. Et même si c'était tout de même sympathique, eh bien globalement, on n'a pas appris grand-chose. Et ça, c'est quand même pas terrible, quoi. C'était une espèce de pub géante sur tout ce qui existait en rapport avec Marvel dans le monde. Et on nous a littéralement montré des vidéos de promotion, hein, commerciale durant la conférence. Donc on nous a montré la vidéo commerciale d'Iron Man Experience, d'un spectacle live action qui se trouve, qui fait un peu une tournée dans le monde entier. On nous a montré carrément des vidéos commerciales de la saison des super-héros Marvel. Alors que si on est là, c'est qu'on a déjà quand même un peu expérimenté la saison et qu'on la connaît. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est comment elle a été conçue, parce qu'il y a à l'intérieur. Ça, on le sait déjà. Donc voilà, on nous a récapitulé tout ce qu'il y avait dans la saison Marvel, mais on le sait déjà, comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu de nouvelles sur le Futureland. Ils ont commencé à nous teaser là-dessus, on était vraiment, on trépignait d'impatience sur nos sièges, on était à fond, et là, on n'apprend rien. Voilà, on n'apprend rien. Ils auraient au moins pu nous préparer, ne serait-ce qu'un simple concept art, juste un petit concept art, aussi simple soit-il, aurait été la bienvenue, et on aurait été content. Ça aurait valu le coup de faire cette conférence, rien que pour ça. Mais non, on a juste eu le concept art qu'on connaît du Land Marvel, et on n'en sait pas plus. Donc je ne demandais pas de grosses infos, je leur demandais pas qu'ils me disent qu'ils vont construire une grosse attraction sur le thème d'Avengers, je voulais juste un simple concept art, mais bon. Voilà, ça c'est pas... On passera là-dessus. Après, on a appris quelques trucs sympas sur l'imagineur Brian Crosby qui était présent à cette conférence, qui est le directeur créatif de Marvel Themed Entertainment. Donc ça, c'était vachement sympa, une bonne partie. Globalement, j'ai quand même passé un bon moment dans cette conférence. Faut pas dire ce que j'ai pas dit. C'était quand même sympa et un des points les plus positifs de la soirée, je trouve. C'était très bien présenté. On était au frais dans le studio theater. C'était vraiment sympa. Et voilà, on a appris quelque chose sur cet imagineur-là, sur notamment aussi les comics qui ont été faits en rapport avec les différentes attractions Disney chez Marvel. Ça, c'était vraiment sympa aussi, je le savais déjà, mais il y a quelques trucs que j'ai appris, comme le fait qu'ils aient fait un comics sur une attraction qu'avait pensé Walt Disney, mais qui n'a jamais vu le jour dans aucun des parcs Disney. Ça, je le savais pas, c'était un bon point. Et c'était une partie intéressante, mais pour vous dire, la seule information qu'on a apprise durant cette conférence, c'est que la scène devant la Tour de la Terreur sur la place des Stars se nomme la Toolbox. Donc voilà quoi, littéralement la boîte à outils, hein, elle porte bien son nom, on va pas se mentir. Mais voilà, c'était tout de même un peu un des éléments les plus qualitatifs, comme je le dis, de la soirée. Et c'était un moment cool à passer. Donc après avoir rapidement croisé les amis de DLP Polémique, qui ont d'ailleurs posé une question dérangeante pour les castes forcément, mais pertinente durant la conférence, qui est tout simplement pourquoi persistent encore tous ces problèmes techniques, est-ce qu'ils y travaillent, quelles sont les solutions qui vont venir. La réponse n'a pas été très claire, bien entendu. En gros, ils y travaillent. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont répondu et répété. Ils y travaillent au jour le jour, ce qui peut se comprendre. Mais bon, c'est quand même assez aberrant que ces problèmes persistent. Donc on la remercie pour sa franchise durant cette question qui a été posée durant la conférence. Donc on est donc sorti de la salle et là, ce fut le choc. Pourquoi ce fut le choc? Car il n'y avait aucune ambiance, ou du moins une ambiance très stagnante, car le parc était littéralement vide. J'avais posté une petite vidéo sur Twitter qui montrait que c'était vide, justement, car tout le monde attendait pour les personnages ou était au concours de costumes, que nous n'avons pas fait d'ailleurs. Donc on avait un parc vide avec la musique des films Marvel en fond, ce qui n'aide pas, comme les musiques des films Marvel sont inidentifiables, sans personnalité, sauf pour deux ou trois, comme le thème d'Iron Man ou le thème des Avengers, mais bon, globalement, c'est clairement pas des musiques marquantes, hein, on va pas se mentir. Ben ça, c'est valable un peu pour toute l'industrie. J'ai envie de vous dire hollywoodienne en ce moment. Hein, on est plus sur des termes qui accompagnent l'action sans forcément ajouter un plus ni être marquant. Là, je m'éloigne du sujet. Donc, bon, voilà. C'était du coup très très vide. Et donc voilà, on a eu cette ambiance très spéciale qui était rehaussée par les très très beaux cosplays et déguisements des guests. Franchement, il y en avait des super beaux. C'est assez désolant et affligeant de constater que le niveau de la soirée est augmenté par les guests eux-mêmes. Mais bravo vraiment à tous ceux qui ont pris la peine de se déguiser, parce que ça apportait vraiment un nouveau cachet à la soirée. Bon, du coup, on est parti pour voir si on pouvait aller faire une photo avec Thor et Loki, puisqu'elle était proposée à l'intérieur de Studio Tram Tour, ce qui est quand même plutôt sympa. Bon, alors, on va pas se mentir, Studio Tram Tour, la visite des bois de Marne-la-Vallée, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais c'est toujours sympa. On s'est dit, voilà, prendre une petite photo avec Thor et Loki dans le décor de Londres, ça fonctionne bien, quoi. C'est vraiment comme s'il sortait d'une attaque de la ville, comme s'il venait de sauver Londres. On est arrivé devant la file, et là, la file était déjà fermée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont littéralement attendu plus de 2 heures, voire même 3 heures d'attente pour avoir une seule photo. Donc c'est assez aberrant, ça veut dire qu'ils ont passé leur soirée à attendre pour une photo, littéralement. De ce côté-là, c'est quand même assez abusif. Pour vous dire, il y avait seulement 4 personnages durant la soirée, Captain America, Spider-Man, Black Widow, Thor et Loki. Et c'est pas des personnages hyper exaltants et excitants, et pas neufs, quoi. C'est vraiment les personnages qu'on voit dans tous les shows de la saison. Donc c'est clairement pas suffisant pour moi. Ils savaient que la soirée était complète, ils auraient pu prévoir plus de personnages. Qu'est-ce que ça leur aurait coûté de plus? Ça aurait permis de dispatcher les gens, de pouvoir au moins rencontrer un ou deux personnages. Et voilà, c'était vraiment ce qu'il y avait à faire. On me dit, soirée Marvel, j'attends une pléiade de personnages. Pourquoi pas nous mettre Doctor Strange? Doctor Strange, vraiment, j'aurais adoré pouvoir le rencontrer, quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraît quand même assez évident. Mais bon, voilà, passons là-dessus. C'est environ à ce moment-là que le groupe a un peu commencé à se dispatcher, à se séparer, étant donné que je fais pas les attractions de sensations fortes, vous le savez. Et du coup, tandis que je suis allé faire un tour du côté de Toon Studio, les autres ont testé les versions modifiées de la TOT, donc Tower of Terror et de Rock'n'Roller Coaster, qui étaient modifiées, soi-disant modifiées du coup pour cette soirée-là. On avait d'ailleurs du mapping sur la Tour de la Terreur avec tout simplement l'attraction des Gardiens de la Galaxie Mission Breakout qui a été projetée sur la façade de la tour. Donc on pouvait vraiment se projeter, c'était assez étrange d'ailleurs, qu'on pouvait vraiment se projeter dans le futur, et c'était peut-être un signe de prémonition, je ne sais pas, mais ça faisait assez étrange de voir ça sur la tour. Ça c'était vraiment sympa par contre au niveau de la soirée, cette projection qui restait tout le long de la soirée. Et donc si vous voulez un peu savoir comment se sont passées ces deux attractions, je vous invite à aller écouter le podcast des Amis de Rien que d'y penser qui est sorti mercredi dernier, où ils vous donnent leur avis sur ces attractions-là modifiées. Mais globalement, c'était pas folichon, hein. C'était pas exceptionnel. Et voilà quoi, hein. Vraiment, encore une fois, une déception pour cette soirée-là. Me voilà donc parti en direction de Toon Studio, à la recherche des fameux personnages rares Disney qu'on nous avait promis. Bon, déjà, je tiens à noter que c'est pas du tout dans le thème, hein. Le nom c'est Soirée Marvel, et là on se retrouve avec des personnages Disney. Et encore, ils se battaient un peu en duel, je dois pas vous le mentir, puisqu'il y en avait à peu près à 4 endroits différents. Enfin voilà, c'était vraiment assez limité, et les files étaient soit pleines, soit trop longue, et il n'y avait pas de photographe photopass. Donc autant vous dire que j'ai pas tenté ma chance, j'ai fait aucune file personnage Disney, et je trouve ça assez aberrant qu'il n'y ait pas de photopass proposé pour ces personnages là. On est dans une soirée pass annuel Infinity et Magic Plus. On sait très bien que si vous avez un pass Infinity, vous disposez d'un photopass en plus, donc les gens veulent avoir leurs photos disponibles avec un photographe photopass. Ça coûtait quoi de plus d'en mettre, encore une fois? Voilà, encore une déception. Donc du coup, je suis parti faire un petit tour du côté de la place de Rémy pour faire Ratatouille. D'ailleurs, la place de Rémy de nuit est juste magnifique. J'avais encore jamais eu l'occasion de le voir, à part quelques secondes l'hiver dernier. Ça, c'est vraiment réussi. Et c'était un bon point de la soirée, mais qui est présent dans toutes les soirées, c'était qu'il y avait vraiment très peu d'attente pour chaque attraction, mais c'est clairement pas ce qu'on recherche quand on fait une soirée Marvel, quoi. On recherche l'ambiance, les personnages, être plongé dans l'univers Marvel et voir le parc sous un œil différent, et pour le coup, c'est pas ce qui s'est passé, quoi. Donc, une fois que je suis sorti de là, il était environ 23h, et à 23h, c'était l'heure de la représentation de Danse avec les Gardiens de la Galaxie, donc le même show qu'en journée, et j'avais très hâte. Pourquoi? Car on s'était dit avec les copains en début de soirée que ça serait quand même génial que cette fois-ci, le show se fasse sur la grande scène de la Place des Stars pour avoir une super bonne ambiance, et voir tout le monde danser, voir les gens invités sur la scène à danser. Et ben vous savez quoi? Le show a commencé, et il a commencé sur la petite scène habituelle, tout comme le concours de costumes. Alors vous imaginez bien que tout le monde a voulu aller voir ce show, tout le monde était entassé autour de cette petite scène, et on pouvait rien voir tout simplement. Alors les gens ont quand même un peu participé, mais c'est quand même aberrant qu'ils aient pas fait ça sur la grande scène, elle était disponible, pas encore utilisée, pourquoi ils ne l'ont pas fait là? Ah non mais attention, hein, on touche pas à la toolbox surtout, non, hein, la toolbox elle est sacrée, on n'y touche pas, hashtag on touche pas à la toolbox sur Twitter, hein, n'hésitez pas à réagir. Enfin bref, on en rigole, mais c'est quand même assez fou qu'ils aient pas pensé à ça et ça aurait vraiment amélioré la soirée. Juste ça en fait. Donc grosse déception. Et alors qu'il y avait le moyen de faire un truc super, juste en le déplaçant. Mais bon, enfin bref, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, voyant qu'elle est encore ouverte, je me décide d'aller voir Captain America. Puisque c'est impossible de la voir avec l'application Line Bertie et je me serais senti mal d'avoir rencontrer aucun personnage durant la soirée, alors que c'est ce pourquoi j'étais là, pour tester les rencontres avec les personnages, puisque généralement je suis quand même plus attraction, profiter de l'ambiance, mais pas, je fais pas les personnages en général en journée quoi. Donc je me suis lancé là-dedans, je me suis dit bon ça va, une photo chacun, hop c'est parti, ça va aller vite. Eh bien, j'ai attendu entre 40 et 45 minutes dans la file d'attente. J'étais là à envoyer des messages de détresse sur le groupe Twitter parce que j'en pouvais plus. Et pendant que j'étais dans cette file d'attente, la DJ party a commencé. Et là, j'ai deux gros problèmes qui viennent. La description officielle du show était la suivante. DJ party, mission évasion, déhanchez-vous au rythme des classiques des années 70 et 80 au pied de la forteresse du collectionneur. Donc là, à la vue du nom, mission évasion, on est d'accord, j'attendais au moins une apparition des Gardiens de la Galaxie. Je sais pas, qu'il y ait une petite storyline, en plus de la DJ party, où on a vraiment les gardiens qui interagissent avec la tour, je sais pas, qu'il y ait une petite histoire qui soit formée, qui danse un peu, qui fasse danser le public, que ce soit même, je sais pas, quelqu'un déguisé en Star-Lord qui fasse le DJ. Mais non, on n'a rien eu de tout ça, et en plus, ce qui était le plus dérangeant, c'est que on s'est retrouvé avec ce genre de musique. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Vous les sentez les années 80, hein? Moi je les sens bien, hein. Je peux vous dire que là on est bien années 80-70, on y est quoi, il y a pas de problème, tout ce que j'aime quoi. Donc bon, quand on n'est même pas capable de respecter un programme, c'est quand même assez désespérant quoi. Bon, alors je fais que dire du mal de la soirée. Je sais, c'est pas sympa, c'est pas forcément peut-être agréable à entendre, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Ça a beaucoup été dit, je sais. Je mets mon grain de sel là-dedans, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc pour finir, après avoir eu ma photo avec Cap, j'ai voulu aller m'acheter à boire et vous savez quoi? Eh ben le seul kiosque ouvert de la soirée était déjà fermé. Donc déjà un kiosque pour une soirée de 4000 personnes, c'est quand même abusé. Bon, il y avait le restaurant en coulisses, mais on va pas forcément à chaque fois aller en coulisses pour acheter une bouteille d'eau. Donc voilà, encore une fois, être sous-effectif. Bon ben à ce moment donné là, je me suis dit qu'il n'y avait plus rien à faire, donc c'est simple, je suis parti un peu moins de 30 minutes avant la fin de la soirée. Tout ça pour un total de 39€. Voilà. Et sur le coup, ça nous a tous déprimés, hein. Je peux vous dire, on était tous mal, hein, après la soirée, et j'espère que Disneyland Paris saura retomber sur ses pattes, j'ai quand même confiance en ça, et faire bien mieux pour les prochaines soirées, même si ça reste des soirées pass annuelles, on est en droit d'attendre du contenu de qualité et qui respecte le thème de la soirée. Au moins ça, au moins tenter quelque chose d'immersif. Car là, j'ai eu cette impression de m'être fait arnaquer, alors que j'aurais pu faire BTM en boucle pour 0€. Et vous savez quoi, ben ça aurait été bien mieux. Et pour me consoler, j'ai même réussi à le faire 5 fois d'affilée le soir d'après d'ailleurs. Voilà, donc j'ai bien oublié la soirée avec ça. Et il y avait un potentiel de dingue à cette soirée. Et ça a été gâché. Alors j'attends avec impatience les prochaines soirées PA pour voir s'il rectifie le tir. Car pour conclure, ben je dois vous dire que c'est la première fois en 16 ans de visite et en 7 ans de passion que je suis autant déçu par la destination. Mais je ne suis pas du genre à m'attarder sur les points négatifs, et alors finissons avec une note joyeuse et optimiste ce podcast en parlant de l'avenir de Marvel dans les parcs Disney. En effet, 3 lands de Marvel sont à venir dans 3 parcs différents. Un à Disneyland en Californie pour étendre la zone autour de Mission Breakout, un à Hong Kong Disneyland pour étendre la zone autour d'Iron Man Experience. J'en ai marre de mon accent anglais, hein, je peux vous le dire, mais bon, on n'a pas trop le choix. Qui est pour le coup très prometteur, car une attraction sur Ant-Man, nommée Ant-Man and the Wasp Nano Battle, ouvrira, enfin ça me fait un peu rire comme nom, mais ouvrira en 2019 pour remplacer leur Buzz Lightyear Laser Blast. Et il s'agira d'une attraction où vous devrez affronter Arnim Zola et une armée de drones qui sèment la pagaille. Et on restera sur le principe de tir qu'avait l'attraction de Buzz, qui était déjà présente. Et donc ça risque d'être assez sympathique. Vraiment c'est assez intriguant quand même, une attraction Marvel sur le thème d'Ant-Man. Même si les films ne sont pas marquants, c'est un univers qui se prête super bien à ce genre d'attraction, surtout une attraction de tir comme celle-là interactive. Et j'ai assez hâte de voir comment ils vont transposer ce monde infiniment petit dans une attraction. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'écrans? Est-ce qu'on va pas avoir beaucoup d'écrans? Je mise quand même sur pas mal d'écrans, hein, mais ça peut être très bien utilisé. À voir, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Et c'est donc ensuite une grosse attraction basée sur les Avengers qui arrivera chez eux pour un land finalisé aux alentours de 2023. Donc on a vraiment une continuité entre l'attraction Ant-Man et la Stark Expo qui va se faire, puisque la storyline sera un peu liée, on a le même ennemi dans les deux, et tout simplement l'attraction Ant-Man se passe dans un pavillon de la Stark Expo. Donc on va avoir une espèce de land Stark Expo, ce qui est très cohérent, puisque au final, un parc d'attractions pourrait aussi ressentir un peu cette même ambiance qu'on peut avoir dans une exposition universelle par exemple, et donc à la Stark Expo, donc faire vraiment un land basé sur une exposition organisée par Tony Stark, et ben ça s'incruste parfaitement selon moi dans un parc d'attractions. Donc voilà pour Hong Kong, on arrive maintenant à nos Walt Disney Studios qui vont eux aussi accueillir un land Marvel aux alentours de 2021, 2022, 2023, c'est encore un peu flou là-dessus. Et on en a déjà parlé dans le tout premier podcast, mais pour moi, le fait que la Tower of Terror se transforme en Mission Breakout devient de plus en plus crédible et logique, puisque on commence à nous teaser, je sais pas si c'est vraiment du teasing, mais on nous met la projection durant Electroland, on nous la remet durant la soirée Marvel, comme si on voulait nous préparer psychologiquement. Et en plus de ça, on va avoir un land Marvel collé littéralement à la tote si elle n'est pas modifiée. Donc on va avoir quelque chose de très bizarre. Donc au final, j'ai envie de vous dire que ça serait pas gênant qu'il la modifie. Apparemment, c'est une super attraction. Donc pourquoi pas, effectivement, que dans quelques années, elle bascule en version Mission Breakout. Ensuite, pour ce qui est d'Armageddon, qu'est-ce qui va devenir? On n'en sait rien, comme toutes les attractions de ce land Marvel, mais il y a beaucoup de rumeurs qui parlent qu'on ait la même attraction sur Ant-Man qui arrivera à Hong Kong, puisque les locaux sont apparemment assez proches au niveau de la dimension que ceux de Buzz, et étant donné que l'attraction Ant-Man remplace Buzz, on pourrait peut-être avoir cette attraction-là, et ça éviterait les frais en plus pour créer une nouvelle attraction, puisque tous les designs et le projet sera déjà budgété en fait. Donc ça peut vraiment être quelque chose de sympa et apporter une attraction interactive au parc studio autre que Toy Story Mania. Donc ça peut vraiment être cool et j'attends de voir ça, j'espère que ça arrivera. Ensuite, au niveau de Motor Action, on a l'impression qu'il y a des gradins sur le concept art. Donc moi je vise sur un gros show de cascade Marvel, donc un niveau au-dessus de l'Alliance des super-héros, puisqu'on a vu que Disney, donc Walt Disney Imagineering, développait des Stuntronics. Qu'est-ce que c'est ? C'est des animatronics qui font des cascades incroyables. Ils font des pirouettes en l'air, ils s'envolent comme des super-héros. Et on a une image où on voit un Stuntronics s'élever dans le ciel, avec littéralement comme Iron Man en fait. On pourrait vraiment penser que c'est Iron Man, et alors je les verrais bien utilisés dans ce show-là. Pour moi, clairement, ils sont en conception pour un show comme celui-ci, qui pourrait très bien arriver à Motor Action, et ça serait génial. Imaginez Iron Man s'envoler dans les airs, pas mal d'explosions, avec un décor peut-être de New York dévasté. Vraiment, ça peut être sympa. Doctor Strange qui fait pas mal d'effets. Enfin, on pourrait vraiment avoir un show de l'Alliance des super-héros, mais 2.0 avec un stade au-dessus, quoi. Donc ça, ça pourrait être vraiment sympa. Après, au niveau des Avengers, pourquoi pas avoir la même attraction qu'à Hong Kong plus tard, dans l'avenir. Voilà, donc ça c'est des choses sympas qui peuvent arriver. On va bien évidemment avoir le Rock'n'Roller Coaster rethématisé en Iron Man. Donc peut-être encore faire un lien avec la Stark Expo, je sais pas, on verra bien. Et ce que j'attends surtout de ce land, c'est un meet and greet, donc un lieu où on pourrait rencontrer beaucoup de personnages Marvel, contrairement à là pendant la saison Marvel. Un endroit où on pourrait rencontrer, je sais pas, Iron Man, Doctor Strange et les personnages Marvel à la mode suivant les sorties cinématographiques. Ça pourrait être vraiment sympa. En tout cas, je pense que l'avenir de Marvel est radieux dans notre parc et n'annonce que de bonnes choses, et le meilleur est à venir. Et c'est sur ces belles paroles que ce podcast se termine. Je remercie encore tous les copains qui ont bien accepté de faire un caméo, et je sais pas pourquoi je prends cet accent dans le podcast. Donc n'hésitez pas à aller les suivre sur Twitter, les liens en description. Merci à vous de m'avoir écouté. N'oubliez pas que ce podcast est un podcast Daily Disneyland. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller faire un tour sur dailydisneyland.com. Il y aura de temps en temps des articles qui apparaîtront il y aura des petites pastilles où je donnerai mon avis à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller voir au fur et à mesure. N'hésitez pas également à rejoindre le Instagram Daily Disneyland, puisque c'est là que vous pourrez voir un peu mes photos. Donc si ça vous intéresse de voir les photos que je fais à Disneyland Paris, allez-y, Instagram Daily Disneyland et non pas DLP Podcast. C'est vraiment là que vous trouverez les photos. Si vous voulez participer à un podcast, que vous avez une idée de sujet, c'est possible. Vous me contactez sur Twitter ou au mail dlppodcastcontact@gmail.com. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine pour un nouveau podcast.